conduire en sécurité, tout indice est à prendre en compte. Ces deux situations sont identiques. Le clignotant gauche est allumé dans les deux cas, donc ce conducteur a l'intention de quitter son stationnement. Mais l'indice essentiel à relever, c'est la position des roues du véhicule qui veut partir. Dans les deux cas, la voiture bleue placée devant la camionnette empêche un départ rapide. Mais dans la situation numéro 2, les roues de la camionnette sont tournées à gauche. Elle peut donc s'engager plus facilement et donc plus rapidement sur la chaussée. S'il faut se méfier dans les deux cas, la situation 2 présente certainement plus de risques. Réponse.